Là, je sais pas du tout par quoi commencer. Voilà, je vais vous dire que je vais commencer par un petit message, une petite plug comme ça. Comme ça, y a des gens comme Pablo qui vont être contents qu'on fasse de la pub. C'est vrai. Samedi prochain, se déroulera le deuxième visionnement au profit de douteux.org. Toujours de la bière, toujours du plaisir, toujours des prix de présence à gagner. Comme le mois dernier, donc de 13h à 17h, l'entrée est de 10$. De ces 10$ de l'entrée, 5$ s'en vont à douteux.org pour qu'on puisse acheter du tape. Et 5$ s'en va dans la fosse commune. Les gens qui sont encore présents à la toute fin, dès 12h, se séparent le contenu de la fosse commune. Donc ça veut dire que tu peux sortir avec plus d'argent que ce que tu as eu en rentrant, peut-être, s'il y a vraiment assez de monde qui sont partis à la fin. Si tu arrives à inviter des gens vaguement intéressés seulement, là. Voilà. Tu fais des profits. Là, tu as des bonnes chances. Voilà. Passé 17h, le prix d'entrée est de 5$ et ces personnes ne peuvent pas repartir avec le contenu de la fosse commune ni gagner de prix de présence. Ça serait trop facile. Voilà. Donc, amenez vos divertissements, histoire que la soirée passe un peu plus vite. Emmenez votre matériel audiovisuel sur clé USB, histoire de faire souffrir les autres et d'avoir plus de chances de vous répartir les prix de présence. Nous vaincrons. Ça, c'est où? Et ça se retrouve dans la place là, chez Predge, là, que je me rappelle plus de l'adresse. Ouais, je pense que c'est 24. 24. Mont-Royal-Ouest. Mont-Royal-Ouest, voilà. Appartement quelque chose. C'est là, ça, mais il est écrit d'habitude. Ça va être écrit à l'entrée. Ouais, il y a un Subway juste à côté, c'est facile à trouver. Ouais. C'est comme au coin de Clark et de Mont-Royal. Il suffit d'aller voir sur douteux.org, anyway, j'imagine. Voilà, ou sur le Facebook de Douteux, ou sur le MySpace de Douteux, ou le Twitter de Douteux. Non, on n'a pas ça. On n'a pas ça encore. On n'a pas ça, nous autres, un MySpace puis un Twitter. Un Twitter, ça serait hot. Hein, ouais, ça prendrait un Twitter de douteux.org, effectivement. Travaille là-dessus cette semaine. Voilà, excellent. Il paraît que Predge fait des bons parties aussi. Oui, ouais, il est reconnu pour ça. C'est l'ancien chez Predge, en fait. Faut pas dire que c'est chez Predge. C'est plus là, Predge est parti, mais la place est restée. Voilà, exactement. Exactement. Fait que là, j'ai pas préparé une trame sonore pour ce soir. J'ai pas du tout pensé à ça. J'avais trop d'affaires à faire. J'avais trop d'affaires à penser. Il y a sûrement encore de la musique d'Arrêter de fumer subliminal quelque part sur le serveur. Peut-être, effectivement. Écoute, attends un petit peu. Là, je vais essayer de trouver quelque chose qu'on pourrait nous mettre comme trame sonore. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour dire que toute l'affaire qu'on vient de décrire qui se passe samedi prochain, c'est tous les derniers samedis du mois que ça va être refait tout le temps. Ça va être le deuxième. Effectivement. On s'est fait dire qu'il fallait qu'on soit régulier, encourager la régularité. Sans médicaments. Sans médicaments avec douteux.org. Et voilà. Donc voilà, l'ouragan diarrhéel de douteux.org frappe le Québec. Quand on nous dit on veut que les gens soient réguliers, ben nous autres, on s'est interpellés tout de suite. Voilà, exactement. Alors, je pense que j'ai peut-être trouvé quelque chose qu'on pourrait mettre comme trame sonore, mais ce serait un petit peu compliqué, je pense. Ben, voyons donc. Attends un petit peu. Je vais voir. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça que je veux faire. Je veux faire ça de même. OK. C'est parce que des fois, quand je suis sur la console, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on a des spéciaux problèmes techniques. Oui, ben ça a bien été jusqu'à présent. Là. Voilà, jusqu'à présent. C'est mais vraiment là, ta meilleure shot. Ça va vraiment changer dans vraiment pas long, là. Attends un petit peu, on va essayer. Puis là, Sylvain, il a sorti de la troisième corde, là. Une description d'un match soudain. Puis il a donné le big elbow, comme qu'ils disent. La descente du coude. Ouais, ouais. C'est, il l'a ouvert direct site, là. Ça devait être ça partout, là, c'était fou, man. Ça devait être fou. Y a-tu du monde qui se bat encore avec des chaises en métal? Ah ouais, des hardcore matchs. Ça existe encore, ça? Ben ouais. Des tables, spit sur des tables. Puis des 4x4 avec des barbelés dessus. Ouais, mais la dernière fois, on avait Hacksaw Jim Duggan avec son 4x6. Ouais. Calme, hein. Pas de niaisage. Hein? Ouais, ouais. Je pensais à un 4x4, mais un 4x6. Ouais. Écoutez, on va essayer cette toune-là, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est approprié. La toune sonore. Alors que Sylvain Grenier se dirige vers le studio. Bonsoir, Monsieur Grenier. Oui, il a fait vite. On peut passer de l'autre côté, aller rejoindre nos amis. Salut. Prends-toi un micro, mets-toi les écouteurs. Alors, lequel tu choisis, Marc? Le micro, Vas-y Sylvain, c'est ça, c'est celui-là. Excellent. Bingo. Bonsoir Sylvain. Bonsoir à tous. Alors tu arrives exactement pendant la toune de la fille à kidnapper du film qu'on va regarder ce soir qui s'intitule For Hire. Ok, c'est de là ça. Ça a l'air voilà. Ça a l'air vraiment bon. Série c'est... B ou D ou S. S. Douteux, douteux. Série D comme douteux. D comme douteux, voilà. Ça va sûrement passer à Canal V. Éventuellement. Voilà. Alors, c'était Corinne, la fille à kidnapper de For Hire, qui nous chantait You'll Be There By My Side. Ouais. Je pense que c'est ça le titre ça, de la tune. Ouais. Ça doit être ça. Et puis, elle va pouvoir le prouver à l'intérieur du film à un moment donné en se faisant kidnapper pour son père. Ouais. Voilà. C'est important. Excellent. Il faut qu'il y en ait une qui se fasse kidnapper. Sinon, il n'y a pas d'entraînement et de vengeance. Non, mais c'est ça. Mais dans celui-là, c'est particulier. Ça arrive très tard, le kidnapping. C'est particulier comme film. On va en parler un petit peu plus tard. Pour l'instant, bonsoir Sylvain Grenier. Bonsoir à tous. Ça va bien? Très bien, vous-même. Est-ce qu'il faut prononcer Sylvain ou Sylvain Grenier? Non, non, c'est Sylvain. On n'est pas aux États-Unis, là. On sait comment parler, hein? On connaît l'accent. D'accord, excellent. Alors, Sylvain Grenier. Commence pas, là. C'est juste une petite tête de plastique qui nous sépare. Oui, on s'est toujours senti bien en sécurité en arrière de ce vitre-là. Mais finalement, non, c'est finalement, ça. Peut-être pas tant que ça. Voilà. Ça va bien? Qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu viens nous parler de, là, ce soir, là? Ben, écoute, j'ai un gros spectacle vendredi au Saint-Pierre Charbonneau, la TOW7, c'est notre 7e gala. Puis, on va avoir des grosses vedettes que vous connaissez, que même les vieux comme nous autres connaissent, comme Demolition, de la WWF. On va avoir Shelton Benjamin, de la WWE, tout récemment, qui est encore là-bas. Hurricane. On va avoir de la ROH. C'est quoi son nom, donc? Kevin Steen. Qui c'est qui a dit Monsieur ça? Monsieur Wrestling. Non, c'est lui, c'est pas moi. Ah ouais, tu le connais? Ben oui. Ah, ben tu vois. IWS. Ben oui, t'écoutes ça? Ben oui. Ah, c'est leur dernier show. Je travaille pour toi, là, c'est ça, je connais ça. Tu travailles pour moi? Ben oui. T'es bien efficace. Il y a tellement de monde qui travaille pour moi, je savais pas. T'es-tu payé? T'étais pas au courant. Je te présente un petit Marc Primo. T'es-tu payé? Pas vraiment. Ah, c'est toi, l'ami de Patricia. Ouais. OK. Écoute. Yeah, tu vois, je travaille dans une pyramide, moi. Hein? Ouais, ouais. Il y a plein de monde alentour. Toi, tu sais, je ne connais pas encore. De ta tour d'ivoire, tu ne connais pas encore tout le monde. Ça serait du network marketing, mon affaire, je serais déjà riche. Voilà, c'est ça. Tu as juste eu l'air un peu niaiseux, ça va bien. C'est juste une petite vite, je répète. Oui, effectivement, mais je pense qu'elle est double. Ouais. En tout cas, on verra. On va découvrir. Je vais aller faire fermer la porte tantôt. C'est bon. Écoute, toi, tu luttes moins professionnellement maintenant? Ben, je lutte moins parce que, écoute, je m'occupe de ma pyramide. Oui, c'est ça, exactement. Ça prend du temps. Mais non, mais la TOW, ça prend beaucoup de notre temps. En 2011, on prévoit au-dessus de 40 spectacles à travers le Québec. Ouais. Y en a peut-être même un en Ontario qui se dessine. Puis, c'est beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Investissement avec des S, avec une petite barre par-dessus. Ouais. Puis, je lutte beaucoup en Europe. Ah, ouais. Voilà. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Voilà. C'est en Europe, au juste. Écoute, pas mal en France. Puis, surtout, j'étais en Suisse il y a à peu près 3 mois. Je retourne pour une tournée au mois de novembre-décembre. En France, Nice, Lyon, Paris, toutes les villes. Ils appellent ça du catch là-bas encore? Oui, c'est le catch! C'est le catch. Ouais, ouais, ouais. Ça pogne là-bas? C'est un catcheur. Ça commence, ils viennent de recevoir, ça fait 3 ans qu'ils ont la WWE là-bas, donc ça commence, l'engouement commence, et c'est tout frais encore. Puis ils n'ont pas de bons catcheurs, pour être honnête, là-bas. S'ils écoutent, je suis vraiment désolé, mais ils sont vraiment pourris. Puis en même temps, toi, avec la résistance qui les représente. Oui, oui, je les ai représentés pendant un bout. Fait que c'est justement qu'est-ce que je m'en vais. Je m'en vais renouer avec mon ancien partenaire, René, puis on s'en fait une tournée là-bas. Ah, voilà. Oui, oui, ça va être intéressant de le revoir. C'est bon, ça. Puis parmi tout ça, tu vas avoir le temps de continuer d'annoncer à RDS. Oui, RDS à toutes les semaines, la TNA. Avec Marc Blondin. Ouais, ouais, ben oui, notre petit gros. Puis, ça nous occupe une grosse heure par semaine. Fait qu'il nous reste beaucoup de temps pour travailler sur d'autres choses. T'as aussi une école de lutte, j'entends. Oui, parler. Oui. Puis on vient de réouvrir. Écoute, on vient d'avoir un super beau building. On a au-dessus de 500 000 pieds carrés. C'est pour ça que je suis encore plein d'en peinture puis du brin de scie dans les cheveux. Ah, voilà. On est en dernière journée d'innovation ou presque. Ça puis ouvre quand? On a ouvert la semaine passée. Mais vous rénovez en même temps pendant que... Ben oui, entre les jours, parce que mon école, c'est le mardi et le jeudi soir. Parce qu'il y a tout le temps du monde qui se pitche dans les murs, de toute façon. C'est ça. C'est tout le temps des réparations. C'est tout le temps à refaire. Surtout les vitres de plastique comme ça, on en casse tous les jours. On est bien habitués. Eh bien. Excellent, excellent. Puis ça pogne encore, là, ça, la lutte? Ben, c'est un divertissement. Hein? Comme à chaque fois que je vais dans des shows de télévision, des shows de radio, ils sont un peu ignorants. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais on a tous écouté la lutte. Puis c'est un divertissement, puis faut pas s'arrêter au fait que c'est-tu fake, c'est-tu pas fake. C'est un show. On est tous des professionnels. Oui, on sait qui c'est qui va gagner parce qu'on veut que ça a des histoires, ça a des raisonnements sur toutes les autres shows qui s'en viennent. Donc, oui, c'est un show de A à Z. Oui, c'est ça. Mais des accidents, ça arrive. Comme on dit, la différence entre la boxe et la lutte, c'est que la boxe s'est arrangée tandis que la lutte, c'est un show. C'est ça, exactement. j'aime ça. Mais tu ris, mais j'ai eu une grosse discussion une fois au téléphone avec Gauthier de TVA, bronzé, teint foncé, puis il défendait la boxe, puis là, je donnais des exemples. Écoute, quand t'es champion, t'as le droit de prendre le 12e contender. Ouais, c'est ça. C'est pas arrangé, ça. Tu prends le plus pourri de la gang. Tu peux pas être plus arrangé que ça. Ouais, c'est dur de perdre, rendu-le. Non, et moi. Puis j'avais un gros argument avec ça parce que tout maintenant, ils ont toute la boxe a pris exemple de la lutte pour faire ça plus show business. Autant que maintenant, UFC fait exactement ce que la lutte font. Ils créent des personnages parce que Jean-Jacques 1 puis l'autre Pierre-Luc, ils ont tellement des pay-per-view à toutes les 2-3 semaines. Il faut qu'ils créent des personnages, puis ils créent des rivalités, puis ils font une demi-heure sur un gars, une demi-heure sur GSP, puis là, ils vont s'affronter. Ils sortent des albums de hip-hop, puis ils font... Ils font plein d'affaires. Mais c'est de même, c'est comme ça, il faut que tu fasses connaître tes personnages. Ou tu as un marketing autour de la patente, c'est ça? Oui, puis UFC le fait très bien. Oui, effectivement. Puis les gens, ils aiment ça encore, là, la lutte. Moi, je pensais que c'était fini, la lutte. Moi, quand j'étais jeune, ça poignait un peu. Là, mais... Savais-tu que c'est l'émission de télévision « The longest running television show on cable in the United States. History. Mm. » Ça l'a battu Friends, Simpson. Fait qu'essaye de le Days of Our Lives. Ça a tout battu ça. Mais il y a encore... oui, mais ça existe encore, mais y a-tu vraiment bien du monde? Ouais, ou tu sais, c'est comme ça se meurt, puis... Le problème qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont suivi leur auditoire à place de s'implanter puis se dire, nous, on est des 8-18 ans ou des 5-12 ans. Peu importe c'était quoi, s'ils veulent être PG ou PG... PG-13 ou R ou NC-17. Ou NC-17. Mais si 17, c'est pas mal n'importe quoi maintenant. Ouais. Ils sont chanceux. Mais c'est ça. C'est le seul problème que j'ai avec la WWE parce que moi, j'ai grandi et ils ont essayé de me suivre. Alors, je suis devenu adulte. Ils ont changé leur look. Ils sont devenus un petit peu plus adultes. Puis après, ils ont voulu maturer avec les Stone Cold. Ça buvait de la bière puis les fingers. Puis... Ouais. Tu sais plus pour les enfants. Non, c'est mais ça. Les enfants continuent à l'écouter pareil. Beaucoup moins. Ouais. Beaucoup moins parce que probablement à 9h le lundi soir, qui sait qui est debout? Ouais. Un enfant de 7 ans, 8 ans, il est couché. Il n'est pas supposé de l'être, en tout cas. Puis c'était devenu... C'était la lutte, c'est de la fantaisie. C'est des gars musclés qui font des choses extraordinaires avec leur corps que personne dans la rue peut faire. Puis c'était plus rendu ça. C'était rendu des coups de chaise, des coups d'échelle. Le monde était en feu, des punaises, du sang tout le temps. Donc, les jeunes étaient moins intéressés par ça. Ils baisaient avec des morts, là, je me rappelle. Oui, tu t'en souviens d'une très bonne histoire qu'ils avaient faite. Puis il y avait beaucoup de sexe, beaucoup de filles sexy. Oui, c'est ça, à un moment donné, il y avait ça. Donc, ils avaient été très extrêmes. Fait qu'ils ont été au bout du rouleau du côté extrême. Puis à un moment donné, quand tu es extrême comme ça, tu t'affrontes avec UFC. C'est UFC qui va gagner parce que UFC, c'est le real deal. Ouais. Tandis que nous, l'extrême est arrangé. Fait que laisse le UFC, le R-rated au UFC... Puis retourne dans qu'est-ce que t'étais bon dans le temps d'Hulk Hogan. Fait que là, ils sont revenus PG. Puis là, ils refont des shows vraiment. Il faut de lutte, pas d'accrobatie, beaucoup moins. Ça sale sur les athlètes. Puis qu'est-ce qu'il faut qu'ils aillent retrouver, c'est les personnages. Comme c'est pour ça notre Flyers. À cause que j'ai fait venir Hurricane, j'ai dit il faudrait faire ça en cartoon pour vraiment attirer l'œil du jeune en nous. Parce qu'il y a beaucoup d'amateurs de notre âge qui aiment les bandes dessinées, les BD, qui sont amateurs de cartoon. Peu importe. Puis je trouvais que ça allait aller chercher ça. Puis c'est vraiment l'essence de la lutte. C'est aller rire, aller avoir du fun, suivre les personnages. Il y a un bon, il y a un méchant. Pour qui tu votes? Toi, tu votes pour les méchants. Mon chum vote pour les bons. Ça fait de la guerre à la table. On a du fun. Mm. Puis c'est ça. Hulk Hogan, c'était rien d'autre que c'était le super-héros, le Rocky de la lutte. Puis on y fournissait des méchants pour que l'histoire continue. That's it. Fait que c'est la même chose qu'on fait. On n'a rien inventé. mais c'est avec des personnages qu'on utilise, quitte à la WWE, et des personnages québécois qu'on a. Parce qu'on en a des bons au Québec. Ah oui? Oui, il y en a pas beaucoup, mais il y en a des bons. Parce qu'il n'y a pas d'école. Moi, quand depuis 2 ans et demi, je suis revenu, 3 ans que je suis revenu au Québec, il a fallu que je parte une école parce qu'il n'y avait personne pour développer ces jeunes-là. Il y a plein de monde qui font ça dans leur cours d'école ou dans le backyard, dans leur cours de... Pas d'école, mais dans leur cours de maison. De maison. Puis c'est dangereux. Puis il y en a beaucoup que je vois les fins de semaine qui luttent dans des petits gymnases, des choses comme ça, quand on va essayer de recruter des nouveaux talents, qui n'ont aucune idée qu'est-ce qu'ils font. Ils le font parce qu'ils l'ont vu à la TV puis ils pensent qu'ils ont la bonne technique. Non. Quand tu peux te tuer, c'est dangereux. C'est pas à essayer quand tu n'es pas entraîné proprement. Donc, avec mon école, c'est ce qu'on fait. C'est les techniques de base de la WWE. Donc, je pars avec leurs règles à eux, leurs techniques à eux. Parce que si tu veux lutter un jour, tu veux être lutteur professionnel, c'est la seule compagnie. C'est là que ça se passe. Là, toi, t'enseignes la technique. C'est purement technique. T'enseignes pas le charisme et le personnage. On travaille sur tout. Tu sais, tu pourrais même venir parce que je voudrais que t'en aurais besoin. Parce que... Rappelons qu'il pèse 120 livres puis il y a des chandails vintage. Ouais, ben, il y en a beaucoup qui ont 120 livres puis je les aide avec la nutrition. Il y a des bons suppléments, de la bonne protéine tu peux prendre. Ils vont prendre du muscle, mais il faut que tu t'entraînes, c'est sûr. T'sais. Des stéroïdes, sûrement? Non. Non, il n'y a pas ça. C'est illégal. Ouais, c'est illégal, mais là, il n'y a pas ça. Non, il n'y a pas ça. Jamais, personne ne fait ça. Ben, il y en avait eu dans le temps, puis il y avait eu les gros scandales. Ouais. Mais tu vois, moi, je suis arrivé en 2002, puis il commençait le nouveau règne qu'il appelait le fit... comment ça s'appelait? Health, Fit and Health Program de la WWE. C'est qu'on était tout le temps suivi par des médecins. Écoute, on a une batterie de tests qu'on se faisait faire avec l'électrocardiogramme. Puis, vous êtes en santé, mais légalement. C'est ça, légalement. Parce qu'avant, dans les années 80, les stéroïdes étaient légales jusqu'en 1990 ou 89, si je ne me trompe pas. Mm. Donc, l'utilisation, les athlètes prenaient tout ça. Mm. Puis, dans le livre d'Hogan, il parlait d'utiliser ça en 76. Ben oui, mais il y en avait. Arnold, il n'est pas devenu gros en mangeant juste des blancs d'œufs. Hein? mais c'est la différence, c'est que dans le temps, c'était légal. Puis aujourd'hui, c'est une substance contrôlée. Parce que c'est correct, parce que dans le monde qu'on est, le monde exagère. Ouais. Tu prends 2 Tylenol, ça l'enlève le mal de tête. Tu en prends 22, tu as mal au ventre. Donc, le monde exagère. Puis, c'est la même chose dans les stéroïdes, drug use, drug abuse. Puis, c'est dangereux. Tout ce que tu administres, c'est, le monde ne savent pas comment, savent pas. C'est très dangereux. Fait qu'ils ont tous régné ça. Puis, c'est la meilleure chose qui est pas arrivée à la lutte parce que les gars vont être en meilleure santé plus longtemps. Puis, c'est ce que les jeunes, il faut qu'ils puissent se regarder. Il faut qu'ils regardent des athlètes qui peuvent se remémorer. Penser devenir demain. Ben oui, exactement. Donc, c'est possible de le faire maintenant. Il y a des très, très bons produits, des suppléments protéinés. Qui, écoute, chez Jean Coutu, ils en vendent des bons, des barres de protéines, des chèques de protéines. C'est la accessible. Créatine, c'est la créatine. Tout le monde, avant, la créatine, le monde pensait que c'était des stéroïdes. En vente libre, en pharmacie. Ben oui, voyons. Donc, la créatine, t'en as dans le steak. Là. C'est juste parce que dans un steak, faudrait que tu manges 12 steaks pour avoir la quantité... utilisable pour ton corps quand tu vas au gym. Mais il y a plein de whizzers là-dessus. Mais t'as marre d'appui après ça. Non, ça, non. Ça, c'est la protéine. C'est parce que la plupart de... C'est parce qu'il y a 30% de la population qui est intolérant au lactose. Puis la protéine, il y a du lactose. Fait que tu prends de la protéine qui n'a pas de lactose. Faut que tu prennes de la isola de protéines. Puis t'as plus de gaz, t'as plus... Parce qu'on avait tout ce problème-là jusqu'à temps qu'on découvre pourquoi. Les rings de lutte, c'était épouvantable. Tu ne pas t'approcher à plus que 20 mètres. Mais pas juste les rings de lutte, les gyms aussi. Les gyms, là, mais comme je vois, toi, tu n'as jamais eu ce problème. Non, moi, c'est ça. Moi, je suis intolérant au lactose, mais... Ouais, t'es pas mal intolérant à tout. Hein. Faut être en santé pour faire de la lutte longtemps. Fait que la nutrition puis l'entraînement, c'est primordial. Bon, c'est bon. Mais ça veut dire celui qui travaille pour moi que je connais pas. Ouais. Ben, on a fait un concours la semaine passée. Oui. Je suis venu à la radio. T'es venu à la radio. Ouais, pour toi. C'était ça le concours? Oui, c'est ça, exactement. C'était gagner un show de radio avec Optimark Primo. C'est nous autres qui a gagné. Yeah! Là, on a demandé au monde de mettre sur le site des douteux. Le groupe Facebook. Oui, de leur groupe à eux. Vous appelez les douteux? Oui, ouais. Voilà. J'aime ça. On va chercher tout ce qui est douteux dans la production cinématographique, culturelle, télévisuelle, etc. Sport. Avez-vous vu le film Oscar et la dame en rose? Moi, ça me dit rien. Mais écoute, il faudrait chercher. Écoute, j'ai tourné ça l'année passée. C'est toi qui jouais dedans? Je jouais dedans, j'avais un premier rôle, c'était extraordinaire. Ah ouais? Je suis même pas capable de me voir dans le film. Ils m'ont payé une fortune, puis je me vois même pas. Mais ça, écoute, je me suis rasé les cheveux, j'ai eu l'air fou pendant 3 mois. Mais ça a-tu joué quelque part? Ça a-tu sorti en cinéma? Partout en salle, ça a été un gros succès. Pour vrai? C'est un film de Denise Robert. Le film est incroyable. Quand je l'ai vu, écoute, tu pleures, c'est vraiment bon. Oscar La Dame Rose, je suis un des gladiateurs, des bodyguards de la... Mais c'est bon ou c'est mauvais? Non, c'est vraiment très bon. Mais toi, ta participation là-dedans, c'est vraiment mauvais. Te regarder, tu me vois pas. Ça fait que c'est ton bout qui est poche. Tu me vois pas, je peux même pas être poche. Je reviens pas que je me vois pas. Ils t'ont coupé, dans le fond. Écoute, j'ai hâte d'avoir les dividendes des DVD parce que les premiers ont des gros dividendes parce que, tabarouane, je me vois même pas, c'est de l'argent volé. Mais ben, coudonc. Mais c'est bon signe. Si tu le connais pas, c'est parce que c'était bon, donc c'était pas douteux. C'est ça, exact. Ah, voilà. Parce que nous, on voit jamais aucun bon film. Non, c'est ça. C'est pas vrai? Non, on aime vraiment pas ça. Non, c'est pas vrai. Là, on avait demandé de mettre un vidéo douteux de lutte sur le site. Ah, il doit en avoir plusieurs. Puis il y a un Tommy Colin Vallée qui a trouvé un match entre One Man Gang contre Super Giant Ninja de 1996 de la WCW. Super Giant Ninja. Wow, OK. Puis au début du combat, Dusty Rhodes, il parlait comme il était imbattable. Et le match avait duré 1 minute. One Man Gang a fait son splash, puis... Puis le Super Giant Ninja est mort. Le Super Giant Ninja, c'est fait torcher. Fait que le Super Giant Ninja, on n'a jamais entendu parler, lui, non, c'est ça. Hein, mais c'est... souvent, il faisait ça. C'était ce qu'on appelle un jobber. Ouais. Ben, ça existait encore dans ces années-là, des gars qui venaient ou qui se mettaient un masque pour une ou deux fois, juste pour aider un autre lutteur à devenir plus populaire ou à montrer sa force. Se fait écraser. Ouais. On l'a tout fait, on a tout utilisé des gars comme ça aussi. On a besoin. Anyway, Tommy se mérite 2 billets au match de lutte le vendredi le 24 septembre, 7h30. C'est moi qui faut qu'il donne les billets. Ben, tu m'as déjà donné les billets. Ah, je t'ai donné ça. Ouais. Hey, je suis bien efficace. À travers mon ami Patricia. À travers ma pyramide. OK, bon. Fait que moi j'en ai d'autres des billets. Hein. J'en ai. Ah ouais, t'as toute une pile. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben là, tu dois avoir des auditeurs qui aiment la lutte. Ça me surprendrait. C'est encore du monde qui aime ça pour vrai, la lutte. Y a-tu du monde qui écoute, premièrement? Des fois, il y a du monde qui écoute. Des fois, ils ne nous écoutent pas en direct. Écoute, c'est quoi qu'on fait? Est-ce qu'on dit qu'on a des billets à donner? Oui, là, c'est pour de vrai. D'habitude, on parle de Nissan Sentra, mais là, c'est des vrais billets qu'on a dans les mains pour vrai pour le show de lutte du 24 septembre. Fait que c'est 987-3000. Poste 16-10. 987-3000, poste 16-10. Si je réussis à répondre au téléphone, on va vous donner des billets. Des billets gratuits comme ça. Pour ce vrai show-là. C'est facile, hein? Ouais. Alors, ça va... Ah, mon cellulaire, on a un premier appel. Ah, on a un premier appel sur le cellulaire. Non, c'est ma mère. Okay. Mais réponds-lui. Lui à ma mère. T'es poli en tabarouette. Ben, tu cherches vraiment des troubles. Hein? Maintenant, on répond lui. C'est de la syntaxe. On peut pas dire réponds elle. Non. Ça, c'est une question d'aller à d'autres sortes d'écoles que des écoles de lutte à un moment donné. Là. Ouais. Prendre à parler un peu. J'aimais vraiment pas l'école. Non, ça me surprend un peu. School is for fools. Non, c'est juste que dans mon temps, c'était la fin des baby boomers, puis je pense qu'ils étaient tannés d'être là. D'être à l'école? Les profs? Ouais. C'est de la faute des profs. Ben, je pense que c'est comme les parents, faut qu'ils élèvent leurs enfants, puis les profs, faut... C'est eux autres qui ont le devoir d'entraîner les élèves. Puis c'est sûr qu'il y a 33 élèves puis 33 façons différentes d'apprendre. Mais c'est à eux autres d'entraîner. Si moi, j'ai mes élèves, puis j'ai 18 élèves une journée ma classe, puis je sais qu'il y en a 5 qui sont visuels, puis d'autres, il faut que je le fasse. Il va falloir que je fasse des petits groupes, que je puisse être avec tous et chacun en même temps, mais que je prenne du temps pour... ceux qui ont sont plus lents, qui ont besoin de plus de démonstrations. Puis je pense que c'était pas fait dans le temps. Ouais. Écoute, c'est dur d'être professeur, mais en tout cas, je trouve qu'il y avait une grosse... Ceux qui étaient dans soixantaine avancée, là... Ouais. Non, à l'université, moi, c'était tous des profs de 70. Hey, écoute, là, j'ai passé religion en 98, là. Ah ouais? Je connais absolument rien. un des seuls profs honnêtes m'a fait... En sciences physiques, j'avais eu 18. Ah ouais. Fait que ça, c'est les qualifications que tu as besoin d'avoir pour devenir lutteur. Non, il y en a plusieurs autres okay. qui n'ont pas rapport avec la science physique. OK. La physique, conditionnement physique. OK, ouais, voilà, ça, c'est important. Ouais, okay. Ça, j'étais bon à l'école. Ça, ouais, j'avais ça j'imagine. En éduc, tu vas avoir des bonnes notes. Ouais. Mais tu vois, chacun son... Toi, t'étudies en quoi? En informatique. En Ah oui? Ouais. Fait que moi, j'ai pas de conditions. Fait que toi, c'est les jeux vidéo? Pas vraiment les jeux. Non. Là, non, ben, c'est programmation, en fait. Okay. Mais là, je suis rendu prof maintenant au cégep. Là. Ah oui? Ouais. Puis, t'es-tu bon? Mais hein. T'es un bon prof? Excellent prof. J'aimerais ça qu'un de ses élèves appelle et nous confirme ça. Le certificat 3000 poste 510. Confirmez-nous qu'Étienne Forêt est un bon prof et on certain. Va vous donner des billets. Vous n'êtes pas obligé de nommer votre nom. Non, c'est ça. Ils savent, les élèves le savent que s'ils font ça, ils ont des points bonus. Là. Ah oui, c'est vrai? Ça a tout le temps été organisé. Okay. Puis quand ils donnent leur nom, ça l'aide pour les points bonus. Exactement. S'ils ne donnent pas leur nom, il faut que je reconnaisse la voix. Là. C'est moins garanti. Non, mais c'est vrai que c'est difficile d'être prof parce que. C'est pas parce que tu es bon dans quelque chose en informatique que tu es capable de le démontrer, puis de l'expliquer, puis de le verbaliser pour les élèves. C'est ça. Ça, c'est pas tout le monde qui a cette la grosse partie de la job. C'est comme Guy Carbonneau, il l'avait pas. Exact. Pas tout le monde a ce qu'il faut pour ça. Hey, tu travailles pas, toi? Reste assis. Marc Primo se sauve. Ben ouais, il est supposé travailler. Quitte le studio. Mais je pense qu'il s'en va dehors appeler pour avoir des billets. Cheap. Mais non, c'est vrai que, professeur, je te lève mon chapeau parce que c'est tout un job, parce que moi, je le fais deux fois par semaine, quelques heures par jour, puis ça prend beaucoup d'énergie. Oui, ouais, c'est beaucoup vrai. Beaucoup de patience, beaucoup d'énergie. Fait que j'imagine, toi, t'enseignes l'informatique en plus? Oui, au cégep. Mais est-ce qu'ils sont comme... Maintenant, tu nais avec ça. C'est comme moi, les cours d'informatique, avant, c'était une vraie tortue, premièrement. Oui. Puis... Oui, effectivement, dans le logo. Oui, puis... Tu sais, c'était nouveau. Même les profs, tu sais, c'était nouveau pour eux. Puis on apprenait tout ensemble. Mais là, aujourd'hui, à 8 ans, ils ont des iPhones. Ben, c'est ça. Il y a ben, justement, ça fait qu'on n'a pas besoin de leur enseigner les affaires de base. T'sais. On n'a pas besoin de leur expliquer comment allumer l'ordi puis utiliser la souris puis tout ça. T'sais. On peut se concentrer sur les trucs plus avancés, comment créer des logiciels. OK. Ah, ouais. Fait que c'est plus là-dessus qu'on va. Là. Tu vois, ça aurait été bon. Puis j'aurais pu créer mon site web puis le faire marcher à ma manière. Ouais. Moi, quand j'aimais les cours d'informatique, c'est parce qu'on fait des travaux d'équipe, puis il y a une fille cute dans ma classe, puis je m'arrangeais tout le temps. Dans ah ouais, équipe, ça, t'es chanceux, parce que des filles cute en informatique, il n'y en a pas souvent. Ouais, mais c'était obligatoire. Là, puis elle te laissait faire? Hein? Mais toi, t'es d'aller pas dans beau. Mon équipe, là? Hein? Ben ouais. Il n'y a personne qui le croit, en tout cas. Ouais. C'est grâce à elle, j'ai 80. Ouais, écoute, on la salue au passage. Ben si ouais. Elle se reconnaît. Elle ne doit pas être cute parce que tous ceux qui étaient cute quand j'allais à l'école, ils ne sont plus aujourd'hui. Ouais, c'est ça fait longtemps. Hein. Elle est peut-être plus cute. Ah, dans ma tête, elle est encore cute. Ouais, elle a peut-être une fille aujourd'hui qui peut prendre le relais. C'est possible aussi. Fait que tu vois, il n'y a absolument personne qui a le goût d'avoir des billets de lutte. C'est pas surprenant quand même. J'étais bien certain que ça ne pognait plus cette affaire-là. Il est en train de me dire de quoi? Ah oui, ah ouais. En tout cas, moi je trouve que... En tout cas, moi, bon, je veux pas insulter le sport que tu fais. Mais le sport, je dis ça entre guillemets, là, mais... C'est de l'entertainment. C'est ça. En réalité, c'est juste n'importe quel bozo peut arriver puis faire ça, là, avec comme une demi-heure d'entraînement. Ben, je peux te le montrer si tu veux. Ben, écoute, tu as à peine besoin de me le montrer. Là. Il me semble que c'est juste, on fait semblant de fesser, ben non, on frappe si à côté. Mais si on est juste puis... des beaux os, puis ça prend 2 à 3 ans d'entraînement à chaque jour pour réussir à percer. Ouais, percer, ça, c'est juste parce que les gens, ça les intéresse pas. Mais moi, je parle d'être capable de le faire, mettons. Ouais. Là. D'arriver, là, puis de fesser à côté de ta face en donnant un coup de pied à terre. Ben, faut que tu fesses la face, mais sans blesser l'autre personne. Ouais, mais la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est qu'ils swingent dans le vide. Puis, ben, si tu vois ça, c'est parce que tu viens pas voir la TOW. C'est sûr, si t'as pas un sou, puis t'es cassé, puis tu fais pas encore assez d'argent comme un prof, puis tu vas dans ton sol d'église à côté de chez vous, puis tu vas voir des jeunes qui font ça dans leur rue, dans leur ruelle, dans leur carré de sable, c'est sûr que tu n'iras pas. Mais nous, on a des professionnels que c'est notre métier de te faire croire. Fait que vous êtes capable de vous frapper dessus pour vrai, mais sans que ça fasse mal, puis que nous autres, on est capable d'avaler ça, là. T'as-tu déjà fait du sparring à boxe ou du shadow boxing? Non, je regarde vas-y, casse-la aïeul, casse-la aïeul, physique, puis je sais pas pourquoi je t'ai posé la question. Écoute, moi, je suis plus le genre à utiliser ma tête que faire le fier. Oh! Mais pourtant, ici, faut utiliser ta bouche. Ouais, ben ça fait partie de la tête, la bouche. Ouais, mais il y en a bien qui séparent les deux. Ouais, ça c'est vrai, c'est pas fou. Mais tu vois, à la lutte, faut qu'on sert de la tête, de la bouche et du corps. Ouais, OK. Mais la tête, elle sert à quoi exactement là-dedans? Ben écoute, faut être intelligent pour comprendre le mécanisme que la lutte est parce que t'as 2, 3, 20 000 personnes qui te regardent. Puis tout ton match est en fonction de eux. Ça veut dire que même si t'as des choses dans ta tête, des idées que qu'est-ce que tu vas faire, faut que tu sois prête à tout changer. Comme un comédien sur scène, comme un humoriste sur scène, Il arrive à Drummondville, il fait des jokes de Montréal, c'est drôle. Il arrive à Montréal, ses jokes de Montréal sont plus drôles. Faut qu'il en fasse sur Drummondville. Fait qu'il faut qu'il s'adapte à son public, puis des fois, il va avoir un gossulon en avant qui va crier plus fort. Donc, c'est ça que la lutte est. Faut que tu apprennes à sentir tout ton crowd, puis qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que toutes les crowds sont différents. Moi, je vais en région, là. Je vais en région, d'après moi, tu viens de là. Puis c'est beaucoup plus facile qu'à Montréal. Ça doit être toute une gang de branded qui se ramasse dans ces places-là. Ben écoute, ils ont ton look. Fait que c'est pour ça que ça me surprend que tu sois pas un fan de lutte. Ouais, non, pas du tout, justement. Mais je pense que tu devrais Hulk Hogan, montrer. Tu le connais? Hulk Hogan, je le connais. Tu l'as déjà écouté? J'ai déjà vu des films. Je l'ai vu dans Super Mamie, là. Ben, gars, c'est le genre de film qu'il écoute. Ben, tu vois, c'est extraordinaire. Ouais, ça, c'est ce que j'ai vu de lui. Là. Tu te souviens de ce film-là à cause de lui? Ouais. Tu savais que c'était un lutteur. Ouais. Mais tout le monde connaît Hulk Hogan. C'est une des personnes les plus reconnaissables sur la planète Terre. Puis qui est dans un sport que tout le monde dit qu'il écoute pas, mais tout le monde connaît Hulk Hogan. Ouais, ben, c'est parce qu'il a fait des choses en dehors. Ça a aidé à le faire connaître. Là. Mais sûr, oui, comme tous les autres que tu as nommés qui s'en vont à ton show là, de vendredi, il n'y en a pas un que je connais là-dedans. Là. Ben, tu n'as pas écouté la lutte depuis 10 ans? Non, j'écoute jamais la lutte. Tu me connaissais pas? Non, je ne connaissais pas. Tu vois? Je t'ai pas vu non plus dans le film de La Rose. Tu m'as pas. T'es pas le seul. Je savais que j'étais là, puis je me suis pas vu. Fait que... ça me surprend pas. Mais tu vois, toutes les vedettes qui sont là, je regarde vite, Demolition, eux qui étaient dans ton temps, puis toi, t'as à peu près 33, 34? Ouais, 36 bon. En fait. 36. Fait que c'était dans ton temps, Demolition. Ok. C'était les dimanches matin à 11h. Ça se passe. Toi, tu t'en souviens de Demolition? Superstars of Wrestling. Ouais, Superstars of Wrestling avec le français Édouard Carpentier. Ouais, ça, je me souviens de ce nom-là. OK, tu te souviens du nom, mais t'es pas un gars qui écoutait ça. J'ai jamais écouté. Fait que t'écoutais quoi dans ce temps-là? Moi, j'écoutais, je sais pas, c'était en quelle année à peu près, quand tu dis mon temps? Je dirais 87, 88. J'étais comme en milieu de secondaire. Je pourrais pas te dire clairement ce que j'écoutais. Non, t'as raison, parce que moi, j'ai arrêté... Tu vois, c'est logique. Parce que j'ai arrêté d'écouter la lutte à peu près au secondaire. OK. Tu deviens trop mature pour comprendre ce jeu-là dans le temps. Fait que donc, c'est fait pour les gens immatures. C'est clair. C'est ce que tu dis. C'est fait pour les enfants. C'est vraiment un produit qui est envoyé pour les enfants. Ou bien quelqu'un qui a un imaginaire facile. Mais toi, tu me disais que tu te servais beaucoup de ta tête. T'es peut-être trop rationnel pour ça. Ben, c'est ça. T'es peut-être trop by the book. T'sais, t'es peut-être un gars plat. Ben, peut-être que Tablon a dit « Ah ouais, on fait-tu quelque chose qui sort de l'ordinaire à soir? » Puis toi, tu fais « OK, on se fait des toasts. » Non, mais tu sais, il y a du monde comme ça, puis d'autres, « OK, on fait du parachute, quoi que ce soit. Ouais. » Fait Tiens, vas-tu te laisser parler de même? Ben, je pense que j'ai plus ou moins le choix. Là. Il a décidé de rendre ça personnel. Je pensais qu'il avait fait un push-up tantôt. Ben non, il faisait juste attacher son soulier à Velcro. Puis... mais voilà. Là, mais... il est insulté s'il est rendu à réagir. Tu sais, moi, je parle de la lutte, je parle pas de lui. Puis là, lui, tout de suite, s'attaque à moi. Ben, c'est parce que la lutte, ça fait partie de moi. Tu vois, j'ai une émission à télévision, j'ai une école, j'ai lutté 5 ans pour la plus grosse compagnie au monde. Fait que t'es obligé de défendre ça pour défendre tes intérêts et sinon... ton argent qui s'en vient éventuellement. Ben, c'est ça, exactement. Parce que moi, je me souviens que quand j'étais jeune, il y avait le gros débat, la lutte, tu es arrangé ou pas. Puis là, il me semble qu'aujourd'hui, là, tout le monde le sait. Fait que je me dis, il me semble qu'il faut être un peu cave pour aller là puis voir une affaire que... ils te font à croire qu'ils sont en chicane, mais dans le fond, c'est deux grands chums qui font semblant de se battre. C'est quoi le dernier film que tu as vu? Je sais pas. Au cinéma. Au cinéma que j'ai vu la dernière fois. Je me rappelle plus le dernier, là, mais en tout cas, j'en ai vu plusieurs. T'as-tu vu Iron Man? Ouais, j'ai vu Iron Man. Tu sais que c'est pas le vrai Iron Man? Ouais, tu je sais que c'est un costume ouais, mais la plastique. Différence, c'est que quand on va voir Iron Man, il essaie pas de nous faire à croire que c'est vrai. Il y a personne qui dit « Allez voir Iron Man, puis je vous jure, c'est pour de vrai. » Parce que la lutte, il essaie toujours de nous ramener ça puis de nous faire croire, non, comme c'est... si on était encore à ses tweets a, pour se dire « Ah oui, c'est sûrement vrai. » Tu vois, sur mon poster, c'est pas marqué « Hey, c'est vrai. » Non, mais c'est ce que ça dit dans toutes les pubs puis les annonces. J'ai jamais vu un lutteur arriver, moi, en pleine face. Tu parles de Jacques Rougeau, c'est... Puis dire, oui, c'est tout arrangé, puis à soir, écoute, je sais d'avance qu'est-ce que je vais faire. Il y a jamais un lutteur qui a publicisé ça. Ils font comme tout... C'est avant, c'était... J'ai perdu le contrôle. On appelait ça le kayfabe. Mais ça s'est perdu à cause de l'Internet. Puis tout le monde voulait savoir qu'est-ce qui se passait backstage, puis ils ont mis des caméras là-dedans, puis ça a tout brûlé le suspense qu'il y avait. Mais... Le but, c'est de te faire croire. Si tu viens à un show, à un moment donné, dans un show, ça peut te prendre 1, 2, 3, 7 combats. À un moment donné, tu vas dire « Ah! » Là, il a fait mal. Puis si on est capable de te faire dire ça, on t'a. That's it, t'es embarqué. Puis ça, c'est encore possible, ça. Ben oui, sans faire mal pour possible. Vrai, là. Ben, ça fait mal. Écoute, c'est sûr que ça fait mal. Tu peux pas faker la gravité. Tu peux pas... tu tombes de 10 pieds d'en haut de la corde sur le plancher. Quand même qu'un coussin d'un quart de pouce. Je pèse 240 livres. Le gars qui me tombe dessus pèse un autre 200 livres. Ça fait mal. Mais il y a des différences entre ça fait mal. Si tu te cognes sur la table, OK, ouch. Mais t'es pas blessé. Fait que ça fait mal, mais faut pas que tu te blesses pour être capable de le faire le lendemain. Ouais. C'est comme un joueur de hockey. Je joue au hockey. Toi, tu joues au hockey? Non. Okay. Quelle question. Je vais dans le coin, je vais chercher à puck. Faut que je sois prêt à me faire rentrer dedans. Ouais. Puis ça va être comme ça toutes les games de hockey que je vais jouer dans ma vie. Mais c'est ça. Si, admettons, là, on arrivait... Le hockey, ça pogne en masse au Québec, OK? Oui. Mettons, on arrivait une bonne journée, puis on disait à tout le monde, OK, en fait... Tout ça, là, c'est une grosse farce qu'on fait depuis le début. Les séries, c'est tout arrangé d'avance. Qui compte les points? Qui gagne à chaque fois? Puis les mises en échec sont pratiquées, puis on sait d'avance qui va le faire quand. Je suis sûr que tout le monde débarque de ça. Là. À un moment donné, ça devient... on a beau se dire, ouais, mais c'est de l'entertainment. Si tu fais... T'enlèves ça du sport, il reste quoi, dans écoute, le fond? Écoute, toutes les émissions de TV, toutes les émissions de TV, c'est de l'entertainment. C'est toutes des personnages, c'est toutes des histoires, Days of Her Life. Hey, la femme, elle meurt trois fois dans le même 10 ans. Reviens-en à un moment donné. C'est ça, mais ça, justement, ça pogne plus bien. Ça pogne plus! À part les pourquoi petites madames. Pourquoi tu penses que la TV... Ben, ils ont des millions de téléspectateurs, pas mal plus que ton show de radio. Ouais, c'est sûrement des gens, justement, pas trop vite d'esprit. Là. Moi, c'est pas, ça que ça je dis. Ça n'a pas à être vite d'esprit. C'est qu'il y en a qui sont capables de... Moi, je suis capable de m'asseoir au cinéma, puis de décrocher, puis d'embarquer dans le film, puis de me mettre à pleurer. Pourquoi? Parce que moi, je suis ouvert à ça. Je m'assois, puis je veux me faire embarquer. Je veux me faire comme quand je vais voir un comédien, un humoriste, je veux qu'il me fasse rire. Si j'arrive, puis j'ai l'air bête, puis il n'est pas drôle, puis j'arrive dans le négatif, faut que tu ailles l'esprit ouvert. C'est un spectacle. On est là pour le divertissement. Cirque du Soleil, je vais voir là parce qu'ils sont des athlètes. C'est extraordinaire qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur corps. Comme les lutteurs professionnels, on se retrouve beaucoup dans l'universal d'un cirque parce qu'il y a beaucoup d'acrobatie. C'est qu'est-ce qu'un autre peut faire avec le corps d'un autre sans le tuer, puis qui a accès à l'air. L'impact est extraordinaire, puis la qualité du jeu des gars font que ça a vraiment l'air à lui avoir fait mal. C'est du show. C'est du show. Puis il y a des pétards, puis il y a des écrans géants pour faire encore plus big, comme la WWE fait depuis des 30 c'est rendu WrestleMania 24, 23, puis ça va continuer encore pour des dizaines d'années. Moi, ça se peut que j'y retourne. On est en discussion. Parce que c'est avoir... être dans cette grosse machine-là, c'est comme faire un nouveau film à chaque jour. Puis je te dis, c'est comme un film. Si t'es capable de te faire divertir par Iron Man, c'est la même chose. Iron Man commence le film, waouh, il a l'air fort, il bat quelqu'un. Après, il est dans une histoire un petit peu plus longue, là, ça va pas bien, il y a une peine d'amour, il y a un nouveau Iron Man qui est bleu marin, qui est plus fort que le rouge, mais il réussit à la fin à battre le bleu marin. C'est un match de lutte. Le match de lutte commence... un bon contre le méchant. Le bon, il se fait aller, il montre comment il est bon. Le méchant fait un coup de cochon derrière le dos de l'arbitre. Puis le bon, à la fin, réussit à lever le gros géant. 1, 2, 3. C'est la même chose qu'un film. On est toutes les mêmes bases. Mais il faut que le spectateur arrive là puis dit « J'ai goût de me faire divertir. » Puis je te jure, on a des tables VIP, il y a des avocats, des notaires, les boss du Centre Bell vont être là parce qu'on aimerait ça faire le Centre Bell. On a des gros plans parce que le divertissement, ça marche. Fait qu'il y a un public pour ça encore. Oui, encore un public. Puis c'est pour ça qu'on veut amener la TOW à la TV parce qu'on a des bons lutteurs québécois. Puis je te dis que tu serais surpris. Tu dirais, waouh, les gars sont vraiment bons. Parce que j'ai plein de mes chums qui sont sceptiques, puis qui sont des intellos, puis qui font d'autres choses, puis font de l'informatique, puis ils viennent voir. Si tu as l'esprit ouvert, si tu es ouvert, tu vas embarquer. À un moment donné, tu vas embarquer. Il y a un personnage qui va t'accrocher plus qu'un autre. Il y en a un que tu vas vraiment haïr. Puis tu es un être humain. Fait que c'est sûr que tu vas avoir des affinités. Mais ils sont pas tous pas mal pareils, les personnages. Pas du tout. Il me semble qu'on voit leur face puis leur air. Ils ont tous juste l'air d'un... J'en ai un noir avec les cheveux blonds. J'ai deux gars avec la peinture. J'ai un super-héros. J'ai un noir de 400 livres. Je parle pas qu'ils ont la même couleur de cheveux. Je veux dire, c'est le genre. Le personnage sont tous. C'est tout comme un gros tough qui arrive en gueulant. On va aller écouter une petite toune puis on va continuer à chicaner de l'autre côté de la toune. Tu penses? Ouais, on va aller chicaner de l'autre côté de la toune, je pense. Ouais, quoi, puis, il y a de la musique dans ce show-là? Ouais, d'habitude, il y en a de pas mal plus tôt que ça, d'ailleurs. C'est vrai, on va aller écouter une toune, puis on va écouter une bonne toune, puis après ça, on va revenir, puis on va continuer à chicaner. Mais en attendant, on va écouter Beck avec Modern Guilt, et puis on revient. Alors, 70%. remercier Choc FM et 70% et leur bande de mutants. Salut, ici Maxime Georges et vous écoutez 70% avec vos oreilles sur choc.fm. Ah, j'ai parlé au téléphone. Ok, les deux viennent. Hein? Alors, on est de retour à 70% à Choc FM. Ici Bruno Corbin au micro, qui vous rappelle qu'on est avec Sylvain Grenier, qui nous parle de TOW7. Vous pouvez acheter des billets sur TOWLutte.com à partir de 13$. Voilà. Ou essayer d'être ici pour les gars. Et ça se déroule le vendredi 24 septembre. Vendredi prochain! À 19h30, vendredi prochain, au Centre Pierre Charbonneau, dans le Parc Olympique. Voilà. Ouais. Alors, on était en train de se chicaner sur est-ce que la lutte, c'est vrai ou pas, là, je pense. Ouais. En fait, est-ce que ça a un intérêt encore ou pas pour les gens d'intellect moyen? Là? D'intellect moyen? Je continue à croire que pas tant. T'es à l'Université de Montréal, tu parles des gens d'intellect moyen. En fait, t'es professeur l'UQAM, en plus. T'es à l'UQAM ici. T'es à l'UQAM? Oui. Excuse-moi. C'est ça. Les directions étaient vraiment bonnes. Oui. C'est clair. Ah non? Non, il n'était pas bonne les directions. Bon, c'est ça. Là, Marc, qu'est-ce que tu as fait encore? Non, c'est Étienne qui les a donnés. Hein, pourtant, c'était super clair. Mais c'est vrai que j'aurais dû m'adapter à un niveau d'un lutteur. Là. Ben oui, c'est ça. C'est parce que, tu sais, mon Hummer passe pas dans toutes les rues. Hein. Oui, c'est ça le problème. Puis parler de tourne du côté de ta montre au lieu de dire gauche, puis des petits trucs. Moi, ouais, c'est pour ça que j'ai... c'est pour ça, justement, j'ai pas amené ma montre. Ah ben, voilà. C'est perdu. Et voilà. C'est ça. Ça va pas sans ta montre. Fait qu'il y a toujours personne qui a appelé au 987-3000, poste 1610, avec une incroyable surprise. Il n'y a pas un chat qui a l'air intéressé à avoir des billets gratuits. Ben moi, je pense plus que c'est votre ligne qui a été coupée depuis une semaine, vous n'avez pas payé votre bill. Ouais, tu penses? Ça c'est possible aussi. Alors, remarque que ça se peut, ça aussi. Parce que tu vois, au mois de mars, à notre dernier spectacle, on avait 1800 personnes. Donc, il y a encore du monde intéressé à la lutte professionnelle. On fait des spectacles. Les lutteurs ont des grosses familles. Des grosses familles? Ouais. Je pensais dire d'autres choses. Non, mais qu'ils peuvent inviter, tu sais, pour que ça fasse 1800 personnes éventuellement. Ça prendrait des méchantes grosses familles. Mais ouais. C'est parce que c'est sûr que les gens de la lutte professionnelle invitent leur famille parce qu'ils sont intéressés par voir ça, comparativement à ta famille qui n'est pas intéressée à t'écouter parler à ton radio show. Non, évidemment. Ça y est. Un autre cheap shot, on recommence. Un cheap shot! T'attaques mon sport. C'est pas mal égal d'un cheap shot, je trouve. Tu trouves? T'attaques. Moi, j'ai pas insulté lui personnellement. Là, ben, si t'insultes mon sport. Je fais juste dire que me semble que c'est un sport qui est passé de mode, puis que c'est juste comme du gros niaisage, puis qu'il me semble qu'il n'y a plus grand monde intéressé par ça. Ben, écoute. Je dis pas que toi, t'es cave, là. Ouais. Surtout juste... que mon nom, c'est Grenier, ça fitrait pas. Mais non, passé de mode, c'est plus ton chandail. Ça, c'est passé de mode. Ouais. Mais la lutte a encore 4 millions de téléspectateurs aux États-Unis à chaque lundi soir qui écoutent ça. 360 millions de personnes qui l'écoutent dans le monde à chaque semaine. Donc, si ça passe de mode, Vince McMahon est un billionnaire, sa femme qui va être élue au sénateur pour avoir dépensé au-dessus de 25 millions pour sa course aux sénateurs des États-Unis. Ça roule encore, la lutte. Fait que ça marche. Ça marche. Même s'il faut se rendre en France pour arriver à finir par faire un peu de... Ben moi, je vais en France parce qu'au Québec, ici, c'est un peu comme des radios communautaires d'université. Ils n'ont pas d'argent. Non, c'est ça. Fait que ça marche pas tant que ça, donc, s'il n'y a pas d'argent. Au Québec, il n'y en a pas. Au Québec, c'est fini. C'est vraiment ma compagnie qui relance. Moi, ben, tu ris, mais c'est ça. Dans les années de Madoc Vachon, tu savais que c'était plus populaire que le hockey. Ouais, ça se peut. Là, mais... C'était plus populaire que le hockey. Donc, Parce que les gens croyaient que c'était vrai. Yvon Robert, là, dans ce temps-là. Aussi ça, mais on avait des vedettes québécoises. Les Québécois sont. Tu sais, c'est comme les Canadiens de Montréal. On veut des Québécois. On veut se faire présenter. Fait que c'est la même chose avec les professionnels. C'est pour ça qu'on a été chercher nos meilleurs Québécois. Puis on les fait affronter les meilleurs des États-Unis, les meilleurs de la lutte professionnelle dans le monde, de la WWE. Oui. Il y avait Tommy, la semaine passée, il avait déjà interviewé Frankie. Là. Il avait bien aimé l'animateur qui n'est pas là aujourd'hui. Là. OK, le là, bon, parce que là, j'ai comme les restants. Fait que là, oui, c'est, si d'habitude, c'est 70%, là, j'ai quoi, 19, 21% aujourd'hui? Ça ressemble à ça, je pense. Ouais, à peu près. 21,5 à peu près, ouais. Tommy a préféré pas venir, je sais pas pourquoi. Là. Ouais. Mais ça, c'est un des gars que tu parles là, qui est... Frankie Master, c'est un gars très talentueux qui est en train de tourner un film, justement. Très bon acteur aussi, très talentueux. On a Kevin Steen, ça fait longtemps qu'il est à la ROH, qui a été champion du monde à maintes reprises pour la ROH. On a d'autres Québécois comme Handsome GF qui a lutté avec nos gars comme Honky Tonkman et Accent Jim Duggan, que peut-être que tu connais. Non, ça non tu peux hocher la tête. J'ai aucune idée de qui tu me parles. Mais c'est le fun que... T'as un show de radio, puis tu t'informes sur tes invités. Ça, c'est un petit devoir. Je sais que tu es occupé à corriger. Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup d'autres choses à faire. Comme t'acheter du linge. Mais, écoute, comparativement à ton beau linge, sont tous bien habillés, sont tous propres, nos lutteurs, sont tous bons. Puis ils ont même de... Carl Leduc, là, ouais. Carl Leduc, c'est spécial, ce gars-là, hein? Il est spécial. Mais là, c'est en sécurité, le boss. OK, c'est là que tu travailles. Ouais, c'est ce tu viens pas de moi, là? On est vraiment mal pris. Ah ouais, mais c'est là que c'est lui qui arrive avec l'appel. Ils m'ont dit de faire attention. Oui, il est assez spécial, okay, Carl. Il est dur à contrôler. Ouais. Mais c'est pour ça, tantôt, tu me disais, hors d'onde, est-ce que c'est tous les gars se ressemblent? Ben, c'est ça, il me semble, c'est tous les personnages. Là, évidemment, physiquement, ils ne se ressemblent pas tous nécessairement, mais... Il me semble que le personnage, c'est tout le temps un gros enragé qui crie des insultes. C'est comme tout le temps ça, la personnalité de chacun. Moi, je voyais pas de différence, les petits bouts que j'ai vus par-ci, par-là. Mais c'est où, ça, les petits bouts que tu as vus? À télé, là. À télé, ouais. C'était un gros enragé. Qui... Ben, c'était tout le temps comme genre un gars qui arrive, puis « Toi, mode pète à gueule! Mon astuce de gueule! » Ça ressemble tout le temps à ça, tu sais. Puis là, tout à coup, on t'en présente un autre, puis il dit la même affaire sur le même ton. Puis c'est tout le temps comme... Il me semble qu'il y a... Quand c'est redondant, c'est sûr que ça doit pas être intéressant. Ben, c'est ça, mais c'est l'idée de la lutte, c'est de mettre ça intéressant, puis faire de l'histoire, puis essayer d'avoir un vocabulaire un petit peu plus élevé que le gros, je vais te péter la gueule. Ben, c'est ça. Il me semble que c'est ça que je voyais, moi, tout le temps. Écoute, toi, tu me dis que de ton bord, c'est plus ça. Ça a complètement évolué. Ça a complètement changé comparativement à ton goût pour la mode. Puis, c'est vraiment, vraiment un spectacle divertissant. Puis, les enfants vont aimer ça parce qu'il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de violence gratuite. C'est sûr que c'est un show de lutte. C'est de la violence. C'est de la violence gratuite. C'est ça le but, là, non? Non, non, non, ça coûte 13$ pour rentrer. Ouais, c'est ça. Okay, alors, donc, c'est correct. Fait, c'est vraiment un spectacle pour toute la famille. On a des personnages vraiment colorés pour tout le monde qui sont pas tous Ils sont pas tous des gros tweets qui non, burglent y a pas des insanités. Je regarde, là, tu serais un des plus originales. Habillé comme t'es. Comment, lui? Ouais. Ben lui, il est un petit peu plus grand qu'un nain. Mais il est plus gros qu'Abdoula. Fait que c'est comme dur à y trouver un personnage. Mais tu sais, s'il sert beaucoup de sa tête, on pourrait l'appeler le New Brain. Le nain géant, peut-être. Le nain géant? Ouais. Ouais, ça pourrait être ça. Parce un qu'il y a des brocos. Un manager nain baveux, c'est... Ouais, ça serait bon, ça. Comment t'as dit un ça? Manager? Oui, lui, je le verrais manager parce qu'il n'est pas assez athlétique pour être dans la reine. Hein? Ouais, non, c'est sûr. Ça, c'est officiel. Parce que depuis tantôt qu'il demande à quelqu'un pour aller chercher Vaido, il n'est pas capable de se lever lui-même. Ça te ferait bien de faire un peu d'exercice. Ouais, ben c'est ça. Moi, si je vais faire un peu plus d'exercice, puis toi, tu vas retourner un peu apprendre la conjugaison. Puis, Écoute, comparativement à moi, je parle super mal français. Mais j'étais à la télévision à toutes les semaines, puis au-dessus de 200 RDS. 000 qui m'a en parlant de parler, vous voulez pas un indicatif? Oui, oui, t'es capable de faire ça? Mettre deux phrases cohérentes une après l'autre, là, genre bonjour. Moi, j'aimerais mieux deux claques d'en face cohérentes une après l'autre, mais si tu veux que je fasse deux phrases. Oui, je suis sûr que ça va finir de même. Mais surtout, je suis bon sur les points. Ouais. Oui, très très bon. Commence par une phrase, là. On va se débarrasser de ça. Là. T'as-tu un test à me faire? Un test de... Vas-y, un test de vocabulaire. OK, mettons, je te dis... ouais, c'est quelque chose. Définis-moi Darne. Darne? Ouais. Attends une minute. Darne. C'est un nom masculin? Non. En partant, je ne l'ai pas. Ça commence pas bien. J'ai aucune idée. Non. C'est quoi? C'est un genre de steak de poisson. C'est genre une darne de saumon. Ah, tu vois, moi, je mange un gars de viande rouge. T'as l'air d'un gars qui mange du saumon. T'es plein d'oméga-3, toi. Ouais, ben c'est bon pour le cerveau, justement. Ouais, ouais, ouais, mais c'est moins bon pour le tour de taille. Ouais, ouais, c'est ça. Faut faire des choix, à un moment donné. Puis toi, c'est quoi tes choix? Moi, mes choix, c'est plus avoir l'air intelligent que d'avoir l'air musclé, là. Ouais, ça, t'as réussi sur un des deux. Ça, c'est que, il me semble que c'est plus utile de nos jours d'avoir une tête à ses épaules que d'avoir des gros bras. Mais bon, ça dépend dans quel crowd on se tient aussi. Ben, c'est vrai, exactement. Parce c'est que moi, tu vois, à la lutte, mes gros bras sont très importants. C'est ça, évidemment. C'est ça. Et toi, ta grosse tête, c'est très important pour tes élèves. Oui, exact. Tu vois, on est chacun dans notre chacun propre business. Choisit ce qu'il veut, c'est ça. Mais c'est parce que dans une bagarre de rue, je prendrais gros bras avant une grosse tête. Oui, ben, tu sais, des bagarres de rue, c'est pas comme si on était souvent dans une bagarre de rue. Non mais tu sais, des fois, des bagarres studio, des choses comme ça. Parce que, tu sais, t'as une grande bouche, puis t'as rien pour le back up. Fait que ça prend des gros bras. À moins que t'aies ton chum, l'autre bord de la vitre, mais non, il a l'air d'épouvantail au printemps. Fait que, comment tu vas, c'est son show, là. Il dit ben non. Je suis poli. Moi, il y a juste Marc Blondin que j'ai le doigt de brasser un petit peu. Mais mais tu touches-tu des fois, Blondin? Blondin? Ouais. T'écoutes pas le show? Je l'écoute. Bon. Tu le frappes? Ah oui. On attend tout ça. Là. Ben Blondin, c'est pas un professionnel, hein, parce que la lutte, ça se passe entre professionnels. Mm. Donc lui, je peux pas être un professionnel avec lui. Moi, je suis allé aux Alouettes, là, puis partout qu'il marchait, tout le monde il disait « Tailleul Blondin, Tailleul Blondin ». Toi, tu parles pas de la mascotte, tu parles vraiment de Blondin, ouais, parce que des fois, ils ont le même physique, hein, c'est comme difficile. Tu te demandes s'il va enlever son masque, puis c'est vraiment sa face. Mm. Mais tu vas-tu aux Alouettes, toi, des fois? Non. Tu vois, ça, c'est une autre affaire. Ça serait peut-être le fun que tu sortes de chez vous un peu. Ouais, il faudrait que j'essaye ça, là. Ça serait... Aller me mêler avec le peuple. Ben oui, avec le peuple. T'es pas un gars du peuple? Pas tant que ça, la non. Plèbe. La plèbe, ouais, c'est ça. Pourquoi? Moi, je sais pas, là. À un moment donné, c'est... Manque de stimulation. Manque là. De stimulation. Quand t'es souvent avec des gens de ce genre, là. Puis si je t'inviterais à la lutte, tu viendrais-tu? Ben là, je te dirais pas de trouver des amis, mais j'ai des billets de bout de rangée pour utiliser, là. Ouais, je sais pas, peut-être, là. Faudrait que j'aille voir de quoi ça a l'air ton affaire. Ouais, c'est sûr. Pour comparer avec mes souvenirs de ce que moi, je connais, là. C'est officiel. Parce que là, tu pourrais te faire une idée, puis là, t'arrêtes quoi intelligent à dire pour le prochain lutteur que tu vas interviewer? Parce que peut-être un jour, tu vas t'arriver dans une vraie émission de radio, puis que ça sera pas une petite caméra que t'as pris en arrière chez vous, puis ça va vraiment être une webcam. Puis tu vas être capable d'interviewer, puis tu as des choses à dire parce que tu as vu le produit, puis tu es informé, puis tu vas avoir des bonnes questions, puis tu n'auras pas des dargnes à faire répliquer. Voilà, c'est ça qui n'a pas pris finalement. Il a raté un test de vocabulaire de un mot. Fait que moi, je pense qu'on serait dû pour passer à autre chose. Je commence à en avoir assez. Je sais pas, Bruno, qu'est-ce que t'en dis. Il me semble qu'on a comme légèrement fait le tour. Il est quasiment poli. Mais gars, ça tombe bien parce que le parcomètre, d'après moi, il commence à être échoué. Je remercie le Piquet. Plaisir. En arrière. Puis toute la gang, TOW7, c'est au centre Pierre Charbonneau le 24 prochain. Il y a Hurricane de la WWE, Kevin Steen de la ROH, Shelton Benjamin, qui était champion par équipe, champion intercontinental, Demolition Axe and Smash, yeah. Frankie the Mobster, on a Divary de la ROH, WWE et de la TNA. On fait un hommage à Paul Leduc. Tu connais pas Paul Leduc non plus. Tu connais pas grand-chose, toi. T'es pas maire d'une ville, lui? Pense. Dans la politique, là, un peu. Hein? Non, t'es bien informé, par exemple. C'est le fun d'un autre qui est bien informé, puis tu travailles pour moi. En plus. Tu vas être un bon garde de sécurité. Fait que, on vous souhaite une bonne fin de soirée. C'est pas que je m'ennuie, mais je m'ennuie, OK? Ouais, je pense qu'on a fait le tour, là. Hein? Ouais. On a fait le tour. Puis toi, sois poli, mon chum. Ouais, c'est ça. Vas-y, les bras. Retourne à ton parcomètre. Essaie de pas te perdre en sortant. Puis on va écouter... un petit peu de musique, quelque chose d'un peu plus intéressant. Ah! Hey! Whoa, whoa, whoa, whoa! Hey, ouais. Sylvain! Whoa, whoa! Hey, come on! Whoa, il fait juste niaiser, là. Bon, c'est ça. Bon, là, c'est... Hey, ouais, c'est là, c'est... T'es content? Ouais, bon, on va partir avec un petit peu de musique, puis on vous revient à 70% pour continuer l'émission. We'll be right back. Est-ce que je peux être encore un louloute en arrière? Ben certainement. Oui, en tant que vice-président du club des louloutes du Québec. Tu pourrais donner un upgrade, genre. Ah ouais, ok, je te nomme président du conseil d'administration des louloutes du Québec. Là, c'est, je trouve. Ah voilà, alors c'était Tommy Godette qui aimait bien se faire dire qu'il était le président du conseil d'administration des louloutres par Jacques Chevalier. On vient d'écouter Scream Team de Deerhoof qui seront à Pop Montréal cette année. C'est pour ça que je l'ai mis, là. C'est pas parce que j'étais pressé de mettre une toune parce qu'Étienne est en train de se faire casser la gueule par Sylvain Grenier qui vient de nous quitter. Oui, qui est parti assez vite, je trouve. Ouais, là, il est correct. Oui, là, ça va. Là, il, a juste, il m'a poussé en bas de ma chaise, je m'y attendais pas. Il était une petite marque là, mais ça devrait être correct. Là. D'après moi, je vais être capable de finir l'émission. Tu es encore capable d'avaler? C'est pas super, là. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il aurait l'air plus cave que d'autres choses s'il continuait s'il en mettait, là, tu sais. Fait que c'est arrêté. Mais tu sais, on voit que des gars de même, évidemment, aussitôt que ça commence à se retourner contre eux, ils retombent sur ces genres de tactiques défensives-là de frapper sur le monde, là. D'où le fait que c'est bon dans les batailles de rue, là. Fait qu'en tout cas, sinon, moi, j'ai quand même des tunes que j'avais préparées. Ben oui, c'est ça. Il nous reste 25 minutes, même 20 minutes à l'émission. Alors, on va essayer de passer des affaires. Ouais. Hein? T'avais-tu des nouvelles aussi? Ouais, j'avais des nouvelles, puis j'avais un texte sur le film, puis tout, là. Écoute, va falloir faire ça. Commence par ça, le temps que okay, c'est bon. Je retrouve ma souris. Hein? Fait que, écoute, je vais parler du film, je pense, un petit peu, en premier. Le film qu'on écoute ce soir, For Hire, un film de 1991 aussi connu sous le nom de Lethal Ninja ou de Tueur engagé en version française, c'est réalisé par un certain Stephen Rudinsky, ouais, en tout cas. Quelque chose de même. Ouais, dont la seule production en tant que réalisateur et la seule autre production en tant que réalisateur est un film intitulé ESP Extra Sexual Perceptions. Je suis pas sûr de l'histoire du film, là, mais je suppose que ça tourne autour d'un couple qui essaye de raviver la flamme ou quelque chose du genre. Ça arrête d'aller. Voilà. Il a aussi joué dans des films comme Rejuvenatrix, où il joue le rôle pivot du détective numéro 2, ainsi que dans Road to Revenge, où il était aussi l'assistant réalisateur. Il n'y a rien à sa fiche IMDb depuis 1997. Ouais. C'est très très difficile d'avoir des informations sur ce gars-là. Tueur engagé, donc je vous débarrasse tout de suite de vos inquiétudes. Il ne s'agit pas ici d'un tueur aux fortes opinions politiques et sociales, mais bien d'un tueur à gage, d'un tueur qu'on engage, donc un tueur engagé. Le film s'ouvre sur un dance floor à moitié vide avec des gens qui semblent avoir comme du plaisir là, un peu. Puis là, il rentre un gang de Chinois qui casse la gueule de tout le monde, de plusieurs personnes, pendant que les autres continuent à danser, puis que le band de hip-hop commence à chanter leur tune à intro-diégétique, là, dans une espèce de vidéoclip. De l'autre côté de cette scène-là, on est dans la soirée d'anniversaire de la fille adoptive du maire, la charmante Charmaine Rayner, dans son seul rôle à vie au cinéma. La fille du maire, dénommée Corinne, qu'on a entendu chanter tout à l'heure, « You'll be there by my side », voilà, toute la haute est là, ainsi que DJ McKay, joué par le talentueux David Avener, un ninja aux allures de pornstar déguisé en serveur. c'est qu'il souhaite passer incognito afin de se faire de la publicité en tant que tueur engagé. Ta-ta-ta! on apprend pendant la soirée que le maire de la ville et le chef de la police ne s'entendent pas très bien sur la situation de Chinatown car les gangs de rue financés par la mafia sont de plus en plus incontrôlables et que la police, clairement incompétente, n'arrive à rien faire. McKay laissera traîner quelques petites cartes d'affaires avec les mots « For Hire » dessus ainsi qu'un numéro de téléphone. Ces cartes ont aussi la faculté de déclencher des hallucinations de ninja qui fait des passes dans le noir à quiconque entre en contact avec. C'est pourquoi le maire comprend que c'est un ninja qu'il va engager en utilisant cette carte-là parce qu'il n'y a pas d'autres informations dessus. Ouais. Après quelques hésitations, donc, le maire décide d'engager McKay pour la somme de 1 million de dollars, rien de moins. Pendant ce temps-là, les méchants sont méchants et sont dirigés par Sonny, ancien collègue et rival de McKay qui fait de l'attitude à chaque fois que la caméra est sur lui. On apprend pendant quelques scènes de flashback qu'ils se sont déjà battus pour l'amour de la même fille, lui et McKay, et qu'ils se sont aussi déjà battus contre une gang de noirs sur un terrain de basketball. C'est ouais, souvent c'est là ça. Qu'on trouve les gangs de Voilà, monde. Exactement. Après que Mackay ait tué ou blessé presque tous les méchants, la mafia décide de faire enlever la fille du maire et Mackay va aller tenter de la libérer. Donc, Mackay arrivera-t-il à la libérer? Sonny aura-t-il une révélation qui le mènera à sa rédemption? Le combat final sera-t-il enlevant? Le chef de la mafia mourra-t-il à la fin? Oui, oui, non, oui. Voilà. Et voilà. Dans cet ordre-là? Dans cet ordre-là. Étienne Forêt? Ouais. T'as-tu un spécial aujourd'hui? J'ai un mini spécial, effectivement. Mais d'abord, j'ai ma fabuleuse chronique. Je veux revenir avec cette chronique-là. Que sont-ils devenus? Je ne sais pas si vous vous rappelez de Yvan Daniel qui chantait « Au parc Belmont ». Je peux la démarrer ici pour vous remettre dedans. Je sais pas si je suis plugué comme ça. Attends un petit peu, non, c'est moi là. C'est toi. Spécial problème technique. Voilà. Fait que le parc Belmont était un ancêtre de la ronde. Au parc Belmont, je l'ai rencontré. Au parc Belmont, je lui ai demandé « Voulez-vous que l'on se promène ?» Elle a mis sa main dans la mienne. Au parc Belmont, je la regardais. Au parc Belmont, elle souriait. Elle avait de si jolis yeux que j'en devins vite amoureux. Donc c'est l'histoire d'un couple qui se forme au parc Belmont. Et puis Yvan Daniel, donc, qu'est-il devenu? Bien, apparemment, il serait décédé. Donc voilà, dans un accident d'auto, qu'on dit. Sinon, le reste, pour mon thème pour aujourd'hui, c'était les chansons dont le titre n'est qu'une onomatopée ou bien un bruit ou quelque chose comme ça. Donc, d'accord. Ouais, c'est ça, c'est quand même rare qu'une chanson dont le titre, c'est ça. Mais j'ai d'autres affaires assez équivalentes. Par exemple, bon, vous connaissez peut-être la chanson « Bang Bang » de Nancy Sinatra, originalement. Ben, je vous apporte ici la version de Chantal Parry. La belle voix de Chantal. Ouais, Il me blessait. C'est sensuel. Moi, je pleurais bang bang. Et il me consolait. Bang bang. Voilà. C'est bang bang. Il y a une autre version intéressante de bang bang. Gang bang? Il s'agit cette fois-ci, on va voir si vous arrivez à le deviner. Est-ce que c'est Jacinthe? Non. Non, je sais pas. C'est moins pulpeux que ça. Tu vas sûrement le reconnaître. Pour l'instant, c'est assez disco. Et bientôt, le moment de la révélation arrive. On va avancer un petit peu le bout de disco du début. Ah! Est-ce que c'est Radou et sa flûte de pan? Et voilà! Donc, comment améliorer une chanson? Il suffit de l'interpréter à la flûte de pan. C'est toujours meilleur. Et c'est ce que Radou a bien compris. Donc, la magie. D'ailleurs, ça, c'est sur le disque sur lequel il y a aussi... le disque qui était annoncé à la télévision. Exact. Le disque que Simon Chénier avait acheté dans un Zellers. Ouais. En affirmant à Radou que la raison pour laquelle il voulait le disque, c'était parce qu'il y avait la toune de Michael Jackson dedans, mais en fait, c'était parce que c'était celui de la publicité qu'il voulait. Exactement. Même Radou était surpris qu'il voulait celui-là, puis pas les plus récents. Ouais. Donc, voilà, un autre bang-bang possible. Sinon, vous vous rappelez sans doute aussi de ce grand succès. On va l'avancer un peu. Ouais. Donc ça, c'est à peine une onomatopée. On n'est pas loin de ton rock de tout à l'heure. Hein. C'était pas un rock, je voulais faire, mais je voulais faire seulement. Alors, c'est quoi le titre de cette chanson-là? Ça s'appelle « Check a Run ». Ouais, c'est ça, mais je pense que ça, c'est des paroles, hein? Ça, ce qu'il dit là, je sais pas si c'est des paroles. Je pense que oui, moi. Il est-tu retardé? On sait pas trop. Il s'appelle El Chumbo. Puis « Check a Run », ça doit vouloir dire quelque chose. Hein, sans faire. Je l'ai déjà su, en plus, me semble. C'est pas une chanson qui parle de poudre. C'est vague dans ma tête. Mais ça, c'est... Fait que ça, c'est la chanson elle-même tout le long, puis c'est quand même assez connu, surtout pour avoir été mis dans une vidéo de Batman sur la cible. Là, ouais. Vieux Batman des années 70. C'est connu pour ça. C'est connu surtout pour ça. Mais il y a une version pire encore de ça, cette chanson-là, qui est chantée par Factor X. Et c'est un petit chien qui chante. C'est encore meilleur. Macaron, macaron, macaron, macaron, macaron. Comment améliorer la chanson? Chacaron. On a fait chanter par un petit chien comme ça. C'est un petit chien de dessin animé ou c'est ouais, c'est un petit chien en CGI, là, en animation 3D. Un peu comme, comme Macaroni tout garni. Là. Ouais, exactement, c'est ça. Mais c'est ça, avec moins d'élocution. Mais est-ce que c'est un petit chien espagnol? Oui, oui, il est espagnol, effectivement. Comme Taco Bell, hein? C'est ça, voilà. Il a pas l'air d'un chihuahua, par exemple. Fait que bon, c'est assez, je pense qu'on... Oui, c'est ça, je pense qu'on a, on avait compris. On avait compris l'idée. Sinon, OK, je vais essayer de trouver quelque chose de vraiment cool. Il y en a une qui est intéressante, qui est chantée par Carlos. Il s'agit de Tiroli Pimpon. Et là, faut pas... ce qui est intéressant à cette chanson-là, c'est qu'il faut savoir, puis c'est évident, anyway, quand on commence la chanson, que Carlos, ce son public, c'est des enfants. C'est comme un genre de Carmen Campagne, mais obèse avec une barbe. Attention, les petits loups! Vous êtes prêts pour le Tiroli Pimpon? Les enfants sont là. Donc là, il faut écouter un peu les paroles. C'est pas facile toujours de comprendre, mais on va y revenir après. L'été dernier, fatigué, je suis parti sur une chaloupe, bronzer ma carte de crédit à la Guadeloupe. Dans un palace en bambou, j'ai rencontré Banana, la fille du roi du vaudou, qui m'a fait un truc extra. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, Banana? Tire du papon sur le chihuahua. Donc le refrain, c'est « Qu'est-ce qu'elle t'a fait, Banana, la fille du roi? » Tire-li pimpon sur le chihuahua. Tire-li pimpon avec la tête, avec les bras. Tire-li pimpon, un coup en l'air, un coup en bas. Touche mes castagnettes et moi je touche à tes ananas. Donc voilà, ceci chanté avec des enfants en background. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que Carlos, c'est le fils de Françoise Dolto, qui est une psychologue pour enfants très célèbre en France. Qui a inventé un peu la psychanalyse pour les enfants, puis qui disait il faut les laisser s'épanouir, c'est des personnes à part entière. Puis elle a enfanté lui, là, qui chante des chansons obscènes à des enfants. Voilà, c'est là qu'on en est. Voilà. À part ça, juste pour le fun, j'ai trouvé du Damien Roy, que vous connaissez déjà pour Le Seigneur est dans le moteur. Entre oui. autres. Damien Roy qui est reconnu pour faire des bruits de moteur dans toutes ses chansons. Ben, j'ai trouvé une chanson qui n'a pas de bruit de moteur. Puis en fait, il n'y a pas de bruit de rien. C'est juste une vraie chanson. On va passer rapidement. Ça s'appelle Yabalabazou. Ça parle d'auto, clairement. J'ai un vieux bazou qui paraît pas bien. Il est bourré de trop peinture et blanc. J'ai oublié mes clés, les portes barrées. Je suis rentré par un trou du plancher. Yabalabazou, je t'ai promis sobriété. Yabalabazou, tu t'arrives vite dans les trous, puis j'ai perdu mes capes de route. Yabalabazo, je t'ai promis sobriété. Yabalabazo, on voit que Damien Roy, quand t'enlèves les bruits de moteur, il reste plus grand chose. Mon grand-père, il y avait une auto qui faisait ce bruit-là, Yabalabazo. Ah ouais, ça, c'est un onomatopée connu. Les autos font souvent ça. C'est ça, Bruno, je sais pas si j'ai le temps pour un autre. Ah ouais, vas-y pour un autre. Une dernière? Ah, vas-y pour une dernière. On conclut avec une dernière affaire. C'est assez troublant. Il s'agit de Alain Savreau, qui est un Français, et qui chante ici « Pi, pi, pi, pi ». Vous allez voir comme c'est merveilleux. Le principe, c'est que ses seules paroles, c'est ça tout le temps. « Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi Et puis en plus, il est dans le beat, tu sais. Tout à fait, ouais. On dirait, en fait, que... Ah, jusque-là, là. Jusque le début, on dirait qu'il écoute son Walkman puis qu'on entend un petit peu à travers ses écouteurs, sa musique, tu sais, puis qu'il chante par-dessus. Ah, puis là, ça, cette bout-là, c'est pas moi qui ai fait une erreur technique. Non, non, non. C'était dans Toon. C'est dans Toon. Ça, parce que là, j'étais là, puis je regardais mes affaires, puis je sais, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est vraiment fait comme ça. C'est le refrain, on peut dire. Tu vois? Ah, voilà. C'est revenu. On est revenu au refrain, deuxième refrain. C'est très bon, ça. Moi, j'aime beaucoup ça. Ouais, structure minimaliste un peu. Ouais. Ça rappelle Normand L'Amour, mais avec encore moins d'effort. Si Dieu veut que ça soit possible. Y a-t-il quelqu'un qui l'a déjà repris, cette chanson-là? Ouais, je pense que les Incendiaires préparent un cover. Ah, c'est bon. Je verrais les trois accords. Ouais, ouais, peut-être. C'est vrai, hein? Il chante à peu près la même voix que lui. Ça pourrait marcher. C'est fini ou... Non, même pas, c'est ça, il reste un petit bout. C'est un solo, là. Ça pourrait être fini. Ça pourrait, ah oui, ça aurait pu finir il y a longtemps. Fait que là, ça devient weird un peu. Puis là, il reste encore 12 secondes, on va l'avoir écouté au complet. Ah, c'est bon ça, je suis content. Oui, c'est quand même assez rare que j'écoute cette tune-là au complet. Pouvoir la mettre sur la feuille de route. Oups, et voilà. Ah, bon, voilà, ça, on l'a écouté au complet, puis il y a une autre toune qui est partie. Une autre toune qui a voulu partir, mais je la tue dans l'œuf. Ah. Parce que j'aimerais ça être informé. Ah, d'accord. Écoute, je vais essayer de trouver mon thème. Ah oui, c'est vrai. Hey, moi aussi, j'avais un thème, en tout cas. C'est ouais, pas... c'est vrai, j'ai oublié. Prochaine fois. Regarde, écoute. C'est correct. Ben, c'est ça, on est rendu à... Regarde, je vais mettre celui-là. Là. Je ne sais pas si c'est celui de Simon Predge ou si c'est celui de notre nouvel ami. On va voir. On va essayer ça. On va partir ça. Voici maintenant les nouvelles avec Bruno Corbin. Les nouvelles. Il y a quelque chose de l'autre côté des lasers, comme on le dit tout le temps. Eh oui, faut se rendre jusque-là. Faut pas oublier l'autre côté des lasers. Alors, on va y aller tout de suite avec quelques petites nouvelles internationales. La International House of Pancakes poursuit la International House of Prayer à la Cour fédérale pour avoir utilisé leur diminutif IHOP. International House of Prayer est une organisation de mission évangélique créée à Kansas City en 1999 qui est dédiée à prier 24 heures par jour, tous les jours. Oh, le groupe attend avec impatience la rapture et croit que quand les non-croyants meurent, ils sont consignés en enfer où ils attendent le jour du jugement alors qu'ils seront punis dans le lac de feu, dans l'éternelle consciente et tourmentée séparation de la présence de Dieu. Voilà. L'autre, IHOP, vend des pancakes. Selon les rapports, IHOP a demandé à l'International House of Prayer d'arrêter d'utiliser leur acronyme pour plusieurs années et ont fini par se tanner. Donc, la goutte qui a fait déborder le vase, selon un porte-parole, c'est que l'Église a continué à s'expandre et a commencé à vendre de la nourriture. Quoique, je pense pas que quelqu'un puisse se confondre là, d'une place à l'autre. Là. Ouais, genre, si tu te retrouves dans la International House of Prayer, ils sont les pancakes! ça ne va pas arriver souvent, mais bon, voilà. Il y a quand même un conseiller légal qui a souligné que le nom IHOP est assez célèbre pour que la Cour le protège en dehors du domaine des pancakes. Oh, quand même. Voilà. On y va avec une autre petite nouvelle. Mark Smith de Watsonville, en Californie, est entré dans une banque mercredi dernier affirmant qu'il avait une bombe dans son sac à dos et demandant 2 000 $ afin de payer le loyer de son ami, a affirmé la police. Mais quand l'homme de 59 ans a fait sa demande, la gérante de la banque lui a suggéré qu'il avait besoin de faire un emprunt à la place. L'homme s'est alors assis en attendant patiemment que la femme revienne avec les documents nécessaires pour faire son emprunt. La gérante a alors appelé la police qui s'est présentée quelques minutes plus tard, arrêtant Smith pour tentative de vol. Smith n'avait pas de bombe et... ajouté par le très pertinent lieutenant Darren Thompson, personne n'a été blessé. Non, mais c'est un bon ami, là. Ouais, quand même. Ouais. Quel bon gars. Exactement. Écoute, je vais toutes les faire. Ben oui. Hein, parce qu'on est rendu 23. On va finir avec ça. C'est bon. Michael Mancini, un homme d'affaires écossais, a reçu une amende de 60 livres plus tôt cette année pour s'être mouché au volant de sa voiture. L'homme de Prestwick en Ayrshire a aussi reçu 3 points de démérite après s'être penché pour ramasser un mouchoir et s'être essuyé le nez alors qu'il était pris dans un embouteillage. Sa voiture était au neutre et le frein à main était enclenché. Il affirme avoir été subjugué quand le policier lui a fait signe de se ranger et encore plus surpris quand il lui a expliqué la raison de son arrestation. Le policier Stuart Gray est reconnu pour son attitude zélée pour laquelle on lui donne le sobriquet de « Shiny Buttons ». Gray avait gagné de la notoriété après avoir donné une amende de 50 livres pour avoir dispersé des ordures à un homme qui avait échappé un billet de 10 livres par terre. Mancini compte contester. Quand même. Et une dernière petite, s'il y a une enchère en ce moment sur eBay pour que l'actrice Alyssa Milano vous suive sur Twitter. Donc, Tu vois, juste au moment où on veut se partir un compte Twitter. Voilà, Twitter. Exactement. On pourrait avoir Alyssa Milano qui nous suive sur Twitter. C'est bon, encore pour 5-6 jours, je crois. Aux dernières nouvelles, l'enchère était rendue à 3 550 $. Le but de l'enchère est de donner des fonds à Haïti. Là. Si vous gagnez, voici ce que vous obtiendrez. Donc, Alyssa Milano vous suivra sur Twitter pendant au moins 90 jours. Elle retweetera au moins un de vos tweets. Elle enverra au moins un tweet incluant votre @Twitter handle. et il sera à sa discrétion après si elle veut continuer à vous suivre. selon si elle est intéressée ou pas pour les 90 jours suivants. Écoute, on n'a même pas écouté de bout du film. Non. Encore. À cause de Monsieur Biceps. Ouais, c'est ça qui No Brainer. Voilà. Alors on va. Je sais pas. On pourrait peut-être essayer de. On a écouté la toune tantôt. Oui, ça serait même le meilleur bout. Oui, qui est quand même un excellent bout, effectivement. Toune que j'aimerais dédier rétroactivement à Louis-Éric Gagnon, qui était supposé être ici aujourd'hui, mais qui a eu un accident d'auto. Qui a eu un accident de voiture, ben oui, c'est ça. Apparemment, il va bien, mais moi, quand j'entends la toune, je pense tout le temps à lui puis Benoît Mercier, qui l'avait chanté au 1 an de douteux.org. C'est vrai, effectivement. Puis là, ben là, il était censé être là ce soir pour nous aider à contenir Sylvain Grenier. Ben oui. Et puis, finalement, c'est de sa faute si tu t'es fait casser la gueule. Oui, moi, je dis, c'est ça. Si elle était là, ça serait jamais arrivé. Mais sans faire, j'ai encore un peu mal à la tête. Ah ouais? T'as pas mal que tu te pointes peut-être de 22 Tylenol. 22 Tylenol, je vais avoir mal au ventre. Pour avoir mal au ventre puis plus mal à la tête, ce serait une bonne idée. Là, tu vas dire que tu vas pas aller au brouhaha, c'est ça? Non. Non, c'est ça. Il n'y aura pas au brouhaha. C'est impossible. Là. Il est ben trop mal. Blessé. Écoute, on va écouter un petit bout du film ici où est-ce qu'on nous explique un peu, je sais pas, là, les enjeux de qu'est-ce qui se passe dans la vie du film. Qu'est-ce qu'on se laisse là-dessus? S'il te plaît, Hugues. Ben. Il est rendu 25, hein? Ouais. Le rapport n'est pas bon. Je suis venu vous prévenir pour que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. Ouais. Vous pouvez nous laisser. Alors là, on a le district à Tornay. Peut-être et le maire qui parle ensemble. Mais Dieu seul sait de quoi sont capables vos ennemis. Je n'ai aucun ennemi. Il a raison, Hugues. Un peu plus de prudence ne vous ferait pas de mal. Ça va. À vos ordres. C'est encore le quartier chinois. La violence ne cesse d'augmenter. Ces 4 derniers jours, d'ailleurs... Voilà, et là, c'est coupé. Ça, c'est le genre de chose qui va arriver très souvent ce soir dans le film. Le film coupe. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui est en train de parler, et puis là, ben là, ça coupe, et puis là, on est rendu dans Chinatown, puis il vient de dire « depuis quelques jours, d'ailleurs », et « ah ». Voilà, ça coupe comme ça. C'est fait de même dans le film. Voilà. Le film est extrêmement particulier, entre autres à cause de sa traduction française, qui ajoute beaucoup d'erreurs techniques au film. Mais disons, en termes de scénario, de développement de personnages, de jeu, on est ici devant une œuvre qui aurait pu ressembler à une histoire créée, développée et terminée par des enfants de 8 ans dans la cour de récréation. Le fait que ce soit une méchante coïncidence que le fils du maire soit aussi le protégé de McKay, c'est pas la seule chose qui rend leur relation louche. La sagesse de ninja de McKay démontrée par les mots d'esprit les plus sibyllins et ridicules entendus, d'après moi. Mais c'est vraiment dans les petits détails que ce film se démarque. Les scènes de combat sont ennuyeuses. Les personnages qui vont se cacher derrière le cadre de la caméra, ça arrive souvent, ça, dans ce film-là. T'as un plan, là, puis là, ben là t'as les personnages, ils sont là. Et puis là, ils vont se cacher derrière le cadre de la caméra. Là, les méchants arrivent. Puis là, on est dans un couloir, là, ils n'ont pas pu se cacher nulle part. Là. Et puis là, ils reviennent dans le cadre de caméra, puis ah, ils sont là. Ça, c'est le genre d'affaires qui arrive très souvent dans ce film-là. Il y a un bon nombre de moments importants qui se passent hors du cadre de la caméra aussi. Il y a des manques d'effets sonores et des costumes de ninja qui ont de l'air, qui donnent l'air d'un pénis à celui qui le porte. Les décors complètement inadéquats. Puis la réutilisation flagrante des mêmes décors aussi. Le dance floor du début, c'est aussi le dojo de Mackey, puis c'est aussi la scène finale dans la salle de l'encan. C'est toute la même pièce. C'est fabuleux comme film. Manquez pas ça. On est au Brouhaha ce soir. On est aussi à la Ninkasi. On est en quelque part à Tadoussac. On est au Bistrot de Lucat à Rouyn-Noranda. On est au Bock et Bière à Sherbrooke. Et puis on regarde tout le même film, puis on se pose toutes les bonnes questions, puis on rit aux bonnes places, puis on boit de la bière, puis on garde ça civilisé, puis OK, go! Puis on va avoir 4 paires de billets pour la lutte que Sylvain nous a donné tout à l'heure. Paires de billets pour la lutte. Si ça intéresse encore quelqu'un. Si ça intéresse encore quelqu'un, on aura 4 paires de billets pour la lutte. Et on vous laisse en essayant de trouver une toune pour finir la toune. L'émission, pardon. Alors, on va y aller avec ça. Et merci d'avoir écouté 70%. Ça joue-tu? Non, ça joue pas. Aïe, c'est pas bon. Les veines me pètent dans le fond. Aïe, j'ai mal à mon occipital. Mais là, ça va aller mieux. Faut écouter du douteux. Aïe, c'est pas bon. Les veines me pètent dans le fond. Aïe, j'ai mal à mon occipital. Mais là, ça va aller mieux. Faut écouter du douteux. Ah, il était nu. Tabarnak. C'est quoi ton micro?